cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Denis. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bah, ça va pas trop mal, ça va même bien. Super ! Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors Denis Sonto, je suis responsable de la communication pour la confiserie Bressaude à la Bresse, dans nos chères Hautes-Vosges. Et je suis venu un petit peu vous parler de sucrerie et de friandises, histoire de vous appâter un petit peu en ces temps de froid. Justement, c'est quoi la Bressaude ? Alors la confiserie la Bressaude, alors il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur qui nous demandent Monsieur la Bressaude parce qu'ils pensent que c'est un nom de famille, pas du tout. Hein. La Bressaude c'est tout simplement parce que ça vient de la Bresse et on a surnommé la confiserie du nom des Bressaud et Bressaude, donc la confiserie Bressaude. Voilà d'où vient la Bressaude et ça fait un petit moment que ça dure. Justement, depuis quand elle existe ? Je sais qu'il y a une petite histoire derrière, savoir 1935, je crois. Oui, alors 1935, là, j'étais pas là pour voir, mais c'est vrai que c'est donc monsieur et madame Kieffer qui ont repris la suite de des parents de madame Kieffer, hein, qui avait déjà une boulangerie-pâtisserie à la Bresse. Et puis, de fil en aiguille, ils ont retransmis au fils qui ont eu l'idée pour occuper la saison morte. Ce qu'on appelle la saison morte, eh bien c'est tout simplement là où il y a moins de touristes, là où il y a moins de consommation en pâtisserie et pain et ce qui s'ensuit. Et donc ils ont décidé de faire un petit peu des choses qui pourraient les occuper et qui restaient dans le temps, c'est-à-dire qui pouvaient se conserver. Donc ils ont récupéré une machine qu'ils ont laissée un bon moment de côté, une machine pour faire les bonbons, hein, tout ce qui était cylindre et pour se faire, au bout d'un moment, ils se sont dit pourquoi pas essayer. Donc ils ont essayé et ça a bien pris, c'est-à-dire qu'au départ la visite n'était pas du tout publique, hein. Ils ont tout simplement élaboré des bonbons dans les sous-sols et puis les ont mis à la vente et puis ils se sont aperçus que finalement la vente prenait. Pourquoi pas continuer et puis en continuant les gens achetaient les bonbons mais ont également souhaité et mis le vœu de voir la fabrication, de voir comment étaient faits ces bonbons. Donc l'idée leur est venue de s'installer dans un endroit plus propice et puis de tout doucement de monter ce qu'on appelle maintenant la confiserie Bressaude. Donc c'est de Monsieur Jean-Marie Kieffer qui est deux fils, hein, Laurent et puis également Bertrand. Donc Laurent s'est occupé de la fabrication et puis Bertrand tout le côté administratif et vente. Et puis au fur et à mesure ça a grandi avec au départ là encore pas de visite possible. Et puis dès qu'ils ont pu, ils ont ouvert au public la visite gratuite commentée qui est toujours la même. Ça varie suivant la personne qui l'a fait. Hein, chacun a sa personnalité, mais c'est toujours bien agréable au dire des gens qui ressortent de cette visite, toujours très instructif, très ludique. Donc c'est de 3 à 90 ans, quoi, voire 100 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire cette visite. Tout le monde peut prendre plaisir à la faire et à engendrer des connaissances parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Est-ce que c'est une entreprise familiale ? Alors c'est une entreprise familiale. Alors elle a été revendue il y a un an. Un peu plus d'un an, mais au départ, ouais, c'est une entreprise familiale. Les personnes qui l'ont reprise sont également originaires et bien connues à la Bresse, donc ça reste dans la même lignée, je dirais, familiale. Et puis on y tient tous parce qu'on est une bonne équipe qui perdure et qui s'entend bien et c'est vraiment très très agréable, quoi. Depuis quand est-ce que vous travaillez là-bas, vous ? Alors moi, ça va faire près de 10 ans que j'y suis, donc pas tout à fait 10 ans, mais ça fait ma 10e année. Ouais. Et vous faites quoi là-bas ? Alors là-bas, je fais entre autres la communication, également tout ce qui est achat en dehors des bonbons, puisque on vend également un petit peu d'extérieur, c'est-à-dire des souvenirs qui nous a été demandé par des groupes. Qui font la visite et qui avaient demandé à faire un seul endroit pour pouvoir ramener des souvenirs aux parents, ainsi de suite. Donc ils nous avaient demandé si on ne pouvait pas développer un petit peu dans ce sens. on l'a fait, on s'aperçoit que finalement ça plaît à tout le monde. On essaye d'être au plus possible avec des souvenirs qui viennent de proximité, même si c'est pas toujours évident à trouver, mais on trouve. Et puis également donc des souvenirs genre peluche pour les enfants hein, qui aiment bien ça, malheureusement. Des fois, les enfants ne mènent pas forcément que des bonbons. C'est comme ça, ça nous a été demandé. Puis oui, vu l'engouement qu'il y a, et on sait l'expliquer, hein, les gens qui veulent acheter que des bonbons, que de la fabrication, il n'y a aucun souci, hein, ils ne prennent que ça, et les autres peuvent choisir autre chose. Et c'est vrai que pour les groupes, c'était plutôt agréable. Alors, hein, ils ne faisaient qu'une adresse, ils font qu'une adresse, et puis c'est pas plus mal pour eux d'après ce qu'ils nous disent. Donc voilà. Et dans les souvenirs, est-ce qu'il y a par exemple des clichés d'avant quand la Bressaude a été conçue ou quelque chose comme ça? Les bonbons, de toute façon, les noms, ça reste dans ce qu'on fabrique nous plutôt. C'est-à-dire que on a les bonbons ancestraux comme la violette. La violette, c'est quelque chose qui est ancien, que tout le monde connaît, qui rappelle les souvenirs à plein d'anciens, aux jeunes aussi maintenant. Et donc, ouais, tout ce qui est violette, bonbons de sapin, le bourgeon de sapin, enfin, c'est des classiques, des incontournables. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs? Alors, les collaborateurs, donc, ça a été repris, la société, par Manu Garcia, avec son fils Hugo Garcia. Donc, eux sont donc à la tête de la confiserie dorénavant. Et puis, on a également donc, les personnes qui mettent en sachet et qui vendent. Je peux les citer, hein, Gaël, Carole, pas par ordre alphabétique ni par ordre d'ancienneté, Audrey, on a Manon, on a Evelyne, voilà, qui remettent en... Et puis également Myriam, je vais en oublier, hein, Myriam, donc, qui remettent en rayon et qui font également du conditionnement. On est très polyvalent, hein. C'est l'avantage, c'est que toutes les personnes sont polyvalentes. Hein. Donc elles sont également à l'accueil client, et ça, comme les mois de février, je dirais qu'elles sont principalement à l'accueil client, parce qu'il y a tellement de monde que faire autre chose, c'est très difficile. Donc là, il faut vraiment faire le stock en amont pour pouvoir répondre à toutes les commandes extérieures, et puis également aux nombreux touristes qui vont arriver, et on nous annonce très très très de très bonnes semaines au niveau remplissage. Donc on suppose qu'il va y avoir, ouais, du monde les 15 principaux jours de vacances. Est-ce que vous avez plusieurs boutiques ou pas? On n'a pas plusieurs boutiques, on a une seule boutique, on a un seul lieu de fabrication qui est à la Bresse. Et non, on n'a pas plusieurs boutiques. Par contre, on arrive à nous trouver sur certaines grandes surfaces, là où ils ont des rayons confiserie, enfin pas seulement confiserie, mais produits locaux. Donc là, on nous trouve sur tout le Grand Est en fait, et puis on distribue également sur l'extérieur via la vente par correspondance. Mais en boutique propre, non, pour l'heure, on n'a qu'une seule boutique qui se trouve à la Bresse. Là où vous pouvez faire la visite d'ailleurs. Et du coup, la visite, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut réserver ou pas? Alors la visite, non, il ne faut pas réserver si on est en dessous de 10 personnes. De 10 à 15 personnes, bon, on peut venir comme ça, mais au-delà, si on demande à ce qu'il y ait une réservation. D'autant plus que quand c'est ces grosses périodes-là de vacances scolaires, on a deux créneaux pour les visites de groupe, c'est 9h30 et donc 13h30. Alors tout ça parce que depuis le Covid, on nous avait demandé de limiter, et c'est bien normal, le nombre de personnes dans l'atelier. Et puis on s'est aperçu que finalement, de prendre les groupes en dehors des horaires normaux, ça permet d'avoir une plus grosse fluidité et de faire deux visites de plus sans gêner personne, puisque les groupes sont tout seuls à ces heures-là. Et puis les individuels peuvent reprendre le cours normal à 14h, début à 14h, et puis le matin, début à 10h. Et du coup, pour réserver au-delà de 10 personnes, ça se fait comment? Par téléphone, par mail? Par téléphone ou par mail, oui, tout à fait. Ouais. On nous envoie un petit mail et puis on nous demande si la date est disponible, et on répond bien sûr dans la journée à ce mail, ou alors par téléphone, et puis on consulte l'agenda et puis on voit si c'est possible. Est-ce que vous recevez souvent des scolaires ou pas? Alors, c'est la première année où ça repart très nettement. Le Covid avait un petit peu arrêter tout ça. Et puis, depuis, ben, ça repart plein pot. Hein. On a énormément de groupes scolaires. Ouais. Les classes de neige repartent. On parle des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Les bus de plus anciens. On a à nouveau des réservations pour ce genre de clientèle. Et c'est pas plus mal, hein, ça nous fait plaisir. Parce que c'est vrai que depuis un petit moment, ça manquait un petit peu. Est-ce que vous recevez aussi des touristes étrangers ? Alors les touristes étrangers, c'est très simple, hein, ça reste le Benelux, c'est-à-dire énormément et nos amis belges. Également donc luxembourgeois, hollandais, une très forte proportion d'hollandais l'année dernière, mais en juillet, mais on a compris que le Tour de France n'y était pas pour rien. Donc comme le Tour de France était un petit moment sur nos Hautes-Vosges, c'est vrai que la proportion de néerlandais était très importante sur cette partie-là. Donc luxembourgeois, suisse également, et puis allemand. Voilà, donc ça reste... on a évidemment, puisqu'on demande un petit peu les codes postaux et les pays d'où viennent les gens, on a toujours 2-3 personnes, mexicains, brésiliens, russes, enfin russes un peu moins maintenant, mais qui viennent de pays comme des Australiens l'année dernière. Mais c'est vraiment... C'est vraiment rare, quoi. Le plus gros des clients extérieurs, étrangers, proviennent du Benelux et des environs, quoi. Du coup, vous faites des visites en langue étrangère ? Alors, sur les 4 confiseurs qui font les visites, il y a une personne qui peut doubler la visite en français et en anglais. Ouais. Voilà, en allemand, c'est plus difficile, mais en français-anglais, ouais, on arrive à le tenir. Alors, il faut tomber sur la personne qui fait la visite, puisqu'ils sont 4. J'ai cité les filles, on va citer les garçons. Il y a Daniel, Denis, Hugo et puis Julien. Voilà, qui sont là pour faire les visites d'une quarantaine de minutes, qui sont commentées, hein, on part de zéro, hein, c'est-à-dire de la base du bonbon, de l'eau, du glucose, du sucre, un arôme, et puis on voit toute la fabrication jusqu'au bonbon qui tombe dans le panier, quoi. Et puis après, on les goûte. Ils sont encore tièdes, donc ça, c'est toujours bien agréable. C'est quoi le profil de vos visiteurs, la tranche d'âge à peu près ? Ah là, c'est varié. Hein. Le gros du profil, enfin, ça reste les familles, c'est-à-dire le couple plus les enfants, ou les grands-parents plus les enfants, parce qu'on a de plus en plus de grands-parents qui s'occupent des enfants, donc on a également ce profil-là. Mais le gros du profil, oui, c'est familial. C'est vraiment familial. C'est la fierté des Vosges, la Bressaude. On n'est pas tout seul, hein. on est 3 confiseurs, voire 4 avec Darnay. Mais oui, la fierté, disons que c'est le bonbon des Vosges, c'est quand même quelque chose de connu. Et puis on a quand même une notoriété maintenant, que ce soit nos collègues, je ne peux pas parler de concurrents, nos collègues ou nous-mêmes, on a une notoriété qui est croissante. Ouais. Et puis les gens sont à la recherche. Puis d'un autre côté, trouver une occupation qui soit instructive, intéressante, enrichissante, 40 minutes, qui soit gratuite, vous pouvez chercher maintenant, il n'y en a plus tant que ça. Hein. Des visites gratuites de 40 minutes commentées, il n'y en a plus tant que ça. Donc ça attire du monde, et puis je pense que je vous le dis, tous ceux qui font la visite à 99,9% sont hyper satisfaits, ont appris des choses. C'est ludique, ça reste un petit côté convivial et puis amical. Donc c'est très plaisant pour tout le monde. Celui qui fait les visites et celui qui la reçoit, ouais. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de la fabrication des bonbons de la Bressaude et des différents produits que vous proposez. A tout de suite sur le 107. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. One, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Denis. Vous venez d'écouter le groupe U2 avec leur titre One. Alors U2 est un groupe qui existe depuis 45 ans déjà. Il a été créé en 1978. Eh oui, très bon groupe. Super groupe même, je dirais. Denis, comment est-ce que vous fabriquez vos bonbons à la Bressaude ? Alors ça dépend de quels bonbons vous parlez. Le sucre cuit par exemple est fabriqué, c'est le bonbon le plus connu, hein. C'est-à-dire que c'est le bonbon pour lequel on fait la visite. Donc il faut de l'eau, du sucre, du glucose, amener en température, et puis rajouter le fameux arôme qui va bien, c'est soit sapin, eucalyptus. Nous on a plus de 40 arômes maintenant, 40 bonbons différents, donc le plus courant, ça restera l'eucalyptus, la violette, le sapin. Ceux qui ont eu la chance de visiter lorsqu'on faisait des eucalyptus ou des sapins, voire des menthes, s'en souviennent, hein, puisque ça dégage directement le nez, hein, y a pas de problème. Là, ça vaut tous les médicaments du monde. Vous venez faire un petit tour quand vous êtes enrhumé, et puis vous ressortez, vous avez le nez, les oreilles débouchées, y a pas de problème. Tu sais pas si vous avez déjà testé ? Ah si, j'ai visité plusieurs fois la confiserie et c'est vrai que j'avais même les yeux qui me piquaient en sortant. Oui, ouais, non, c'est vrai que ça peut être très fort. Si vraiment c'est du double dose, du ce qu'on appelle les cassés, là, ouais, là ça dégage bien. Et c'est vrai que c'est même demandé par certaines personnes qui veulent venir à la visite. Ils choisissent suivant l'arôme qui n'ont pas encore pu découvrir. Donc, alors, une fois l'arôme rajouté, évidemment, il faut refroidir, mais doucement, hein, la pâte, puisque si on la refroidit trop vite, ben, ça devient dur et c'est plus exploitable. Donc, il y a tout un procédé de malaxage et de mélange sur la table. Et puis après, ça passe dans les cylindres. Et les cylindres donnent la forme du bonbon, la fameuse forme, le bourgeon de sapin, le quartier de clémentine, enfin ainsi de suite, hein, la fleur de soit d'hibiscus, soit de violette, soit, puisqu'on a beaucoup maintenant de floral, hein, entre le coquelicot, l'hibiscus, la violette, j'en passe et des meilleurs. On a de l'arôme floral, ouais, pas mal. Et puis donc ça prend forme sous les cylindres. Et puis ensuite, ça tombe dans le bac et puis il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Alors là, c'est le moment où on fait goûter les bonbons qui sont encore tièdes, puisqu'ils ne sont pas réellement encore froids, mais ils sont tièdes. Et puis après, on laisse refroidir et on met ça à disposition de la mise en sachet ou de la mise en boîte pour la vente plus tard. Quand j'ai visité la confiserie pour la fabrication, je trouvais que ça ressemblait un peu à du caramel là, quand ça chauffe. Alors ça dépend, ça peut être du caramel puisque le bonbon, si vous avez fait le bonbon par exemple au miel, le miel n'a pas forcément de couleur, donc on rajoute un peu de caramel pour le coloriser, pour le colorer pardon. Donc ouais, ça peut, mais normalement c'est, je vous dis, glucose, eau et sucre au départ. Alors les gens sont surpris par le sucre que l'on met, mais bon, ça reste du bonbon, hein. C'est pas. Par contre, on fait toute une gamme depuis des années et des années. On fait une gamme sans sucre pour donc les personnes qui sont à même de pouvoir aimer le bonbon sans pouvoir en manger. Là, il y a une compensation facile, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les bonbons sans sucre. Vous parliez des coquelicots et tout ça, comment vous faites pour faire des bonbons à base de fleurs ? Alors c'est de l'huile essentielle naturelle de coquelicot ou d'hibiscus que l'on rajoute. Alors le dosage, c'est le plus difficile, hein. C'est le plus dur, c'est de trouver le bon dosage pour que ça ne soit pas écœurant, que ça soit subtil. Donc évidemment, ça passe par des essais, hein, des essais, plusieurs essais, où on dose habilement le mélange pour pouvoir trouver quelque chose qui convienne au plus grand nombre et qui garde quand même un caractère. Parce que si on vous fait vendre des bonbons, par exemple l'hibiscus, et que ça sent que le sucre, vous n'allez pas forcément apprécier. Donc il ne faut pas non plus que ça soit trop fort, puisque des fois on dose un peu fortement, et puis après, la vie de tout le monde, ou globale, on se range vers la bonne proportion, voilà. C'est le sucre cuitier, puisque ça s'appelle un sucre cuitier, hein, la personne qui fait du sucre cuit. C'est un confiseur, mais également un sucre cuitier. Donc le sucre cuitier, trouve le bon dosage, et puis c'est lui qui, en définitive, valide la composition finale du bonbon. Il goûte les bonbons avant tout le monde, en avant-première du coup. Ah, il fait goûter et il goûte. Il fait goûter également à tout le personnel, enfin tous ceux qui veulent goûter, parce que tout le monde n'aime pas tout, tous les arômes, hein, c'est comme dans la vie, on n'aime pas tout, donc on goûte quand ça peut nous parler. Donc, mais tous ceux qui veulent goûter, goûtent, et puis donnent leur avis, c'est important, parce que ça fait une moyenne, et puis... ça permet de corriger quand c'est unanime, ça veut dire que c'est pas le bon, c'est pas forcément la bonne solution. Donc on révise, il révise, et puis il refait goûter, et puis ainsi de suite, et puis on trouve, surtout eux, ils trouvent le bon dosage. Donc là, dernièrement, on a pas mal de nouveautés à découvrir, hein. On a litchi, noix de coco, café, noisette, chocolat. Donc on est sur poivron, pour vous dire la dernière nouveauté, des bonbons au goût poivron, ça peut paraître bizarre, mais finalement ça passe pas trop mal. Donc on a énormément de nouveautés, je vous ai pas tout cité, mais je vous dis, il y a plus de 40 arômes maintenant, donc ça en fait. À le litchi, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de sucre, parce que c'est un fruit qui est déjà assez sucré à la base. Oui, non, il y a un dosage, c'est pareil, c'est le dosage subtil, quoi, du bonbon. Après, il y en a qui aiment plus sucré. Bon, tant pis, ça restera comme il est. Mais c'est vrai que le sucre n'est pas forcément à la mode, hein. On est plus sur des bonbons givrés que sucrés. Les gens recherchent avant tout d'avoir quelque chose qui ait du goût, mais pas forcément extrêmement sucré, quoi. Combien de temps il vous faut à peu près pour remplir des sachets qui seront mis à disposition à la boutique ? Alors, ça dépend du colis, enfin du. Si c'est des sachets ou des boîtes, quoi. Hein. C'est-à-dire que les boîtes mettent un peu plus de temps que les sachets. Donc, je dirais que les sachets, on n'est pas à la production, c'est pas l'usine. Hein. On met, allez, pour faire un sachet, ça met 30 secondes, quoi. 20 secondes. Ça dépend de la personne, mais après, bon, il y a quand même le flow, il y a la finalisation qui reste artisanale, hein. c'est tout de l'artisanat, en fait. Hein. Donc, c'est sûr que ça ne va pas à un rythme de croisière comme on peut le voir dans certaines usines. Mm-hmm. Nous, on veut rester et on le souhaite, et ça permet de garder cet esprit familial aussi, ça va de pair, je crois. On veut rester cet esprit familial et cet esprit artisanal. Donc que ce soit dans la fabrication, mais également dans le conditionnement. Alors c'est sûr qu'on essaye d'améliorer, de gagner par-ci par-là quelques secondes, parce que eu égard au succès, bah, y a beaucoup, beaucoup de commandes. Donc pour y répondre, il faut être plus rapide, mais tout en respectant la personne, l'être humain, et puis respectant le côté familial. Et je pense que on s'y retrouve. Hormis les sachets, quels autres formats vous proposez ? Alors, il y a les sachets, les boîtes. Les boîtes sont en différents formats. Hein. On part du 100 grammes, même du 70 grammes. On pense même faire des bonbons à l'unité, pour vous dire. Pour tous ceux qui nous le demandent, c'est-à-dire les bars, les cafés, qui veulent mettre un petit bonbon avec le café. Donc, il faut qu'ils soient emballés, hein, évidemment. Donc, on est sur ce projet-là. Mais on a multiples possibilités, de 70 grammes à 400 grammes, que ça soit boîte ou sachet, et puis différentes boîtes, des boîtes plus ou moins élaborées, suivant la personne qui veut tout simplement faire plaisir, faire un beau cadeau, ou la personne qui veut consommer elle-même et qui prendra une boîte assez simple. Mmh. On a également, évidemment, la mise des bonbons dans d'autres univers, comme des mugs, des choses comme ça. Est-ce que les produits utilisés sont 100% naturels ? Alors 100% naturel, il y a juste un produit, enfin un colorant qu'on n'arrive pas et que personne ne trouve d'ailleurs à faire naturellement, c'est le bleu. Mm-hmm. Donc tout ce qui est bleu est par là même violet. Or, tout simplement, sur ces bonbons-là, on peut les faire incolore. Alors c'est ce qu'on a fait sur la violette, puisqu'on nous avait demandé du 100% naturel. Donc on avait fait la violette sans colorant. Qui est en vente, hein, donc on le précise bien dans la visite, que ces personnes qui veulent, eh bien on s'aperçoit que malgré tout, ben on en vend 100 fois moins. Quoi. Donc la violette, il faut que ça soit violet. Alors que si vous fermez les yeux, vous mangez le bonbon qui est translucide ou le bonbon violet, ça a exactement le même goût, puisque ce n'est pas la couleur qui fait le goût. Hein. Voilà, mis à part le bleu, et on est à la recherche de le faire, on l'a pratiquement trouvé, mais ça ne reste pas du bleu-bleu. Mais mis à part ce colorant-là, tout le reste, on a réussi à substituer le chimique par du naturel. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle des bonbons d'antan ? Bah, tout simplement parce que ça existe depuis des années et des années, et que c'est des bonbons qui sont pas récents, hein, ça existe depuis des centaines d'années. Donc c'est les bonbons d'antan, et puis je vous l'ai dit, la violette, ça rappelle des souvenirs. Nous, on a des groupes de personnes très âgées qui viennent via les EHPAD, et ces EHPAD-là nous demandent également de participer à des petits jeux qu'ils mettent en place sur leurs souvenirs d'enfance. Et notamment, donc, on donne à ces EHPAD quelques sachets de bonbons pour leur animation future, où les plus anciens se rappellent de souvenirs. Donc là, notamment, les souvenirs d'antan avec nos bonbons. Donc c'est vraiment les souvenirs d'antan, et c'est vraiment des bonbons qui ont de l'âge. Enfin, pas les bonbons qu'on lâche, mais c'est en vend des bonbons récents, mais c'est la composition et la fabrication de ces bonbons-là sont très très très anciens. Ouais. Quel que soit le bonbon, est-ce que la fabrication est la même depuis toujours ou pas ? Ah, ça n'a pas évolué beaucoup, mis à part qu'on met le plus de naturel maintenant qu'auparavant. Ça reste du sucre, du glucose, de l'eau, une chauffe. Après, on étale la pente, on rajoute colorant naturel, et puis essence naturelle, et puis on mélange, on refroidit, et ça passe dans les... Non, ça n'a pas... Les cylindres, ils sont vieux d'une centaine d'années, hein, les cylindres qui servent à faire les bonbons. Donc non, ça reste la même, le même procédé, mis à part les ingrédients qui peuvent évoluer, certes, mais le procédé reste le même. Ouais. Est-ce que c'est vrai que certains bonbons ont des bienfaits sur la santé ? Alors, des bienfaits sur la santé, je n'irai pas jusqu'à là. Hein. Je ne suis pas médecin et je ne veux pas affirmer que ça ait des bienfaits sur la santé. Le fait est que quand vous mangez un bonbon cassé eucalyptus double dose et que vous avez la gorge un peu embarrassée ou le nez un peu embarrassé, le fait est que si vous le preniez en brisure pour faire une. Parce qu'on a également énormément de brisure qui sert à faire des infusions, ben ça vous dégage quand même fortement. Le nez et la gorge, quoi. Hein. Donc, est-ce que c'est efficace ? Oui. Est-ce que c'est un médicament ? Non. J'irai pas jusqu'à là. Par contre, l'efficacité, oui, c'est pas du. Ça reste efficace, ouais. Ça reste réel, ouais. C'est efficace. Médicament, non. Mais l'eucalyptus, le miel, sont des bonbons qui sont efficaces quand on a le nez bouché ou la gorge prise, ouais. Voire le sapin. Après, ça reste du confort. Hein. Tout ce qui est acidulé, c'est efficace pour procurer du bien-être, mais ça n'a rien d'efficace autrement, non. Mais je vous dis, le sapin, l'eucalyptus, le miel, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent nous en chercher. Il y a également des pharmacies qui nous en commandent donc pour leur pharmacie. Donc ça prouve que certaines personnes ont besoin de ce genre de bonbons pour se faire du bien. Est-ce qu'on peut composer nous-mêmes un paquet de bonbons ou pas ? Alors, ils ne sont pas en vrac, et d'ailleurs depuis le Covid, on aurait bien du mal de le faire, puisque bah, tout ce qui est vrac reste en vrac et reste à disposition, je dirais, manuelle de chacun, donc ça c'est difficile. Après, vous pouvez composer vos paniers vous-même, c'est-à-dire prendre un petit peu ce que vous souhaitez en bonbons. Ça reste des sachets à 100 grammes qui sont quand même pas hors de prix. Hein. On est à 2,10€, je crois, ouais, de mémoire. Oui. On est à 2,10€ le paquet. Donc, ça reste très, très abordable. Mmh. Et vous pouvez composer vous-même un petit paquet de 100 grammes, ce que vous voulez, si vous voulez faire un panier gourmand ou une chose comme ça. Ouais. Après, vous pouvez également demander à la caisse de goûter quel que soit le bonbon. On vous le fera goûter si vous n'êtes pas sûr de votre choix, parce que c'est vrai que quand on vous parle de bonbons au cactus, de bonbons à l'hibiscus, de bonbons qui sortent un petit peu de l'ordinaire, bah les gens partent un petit peu dans l'inconnu quand même. Hein. Donc le faire goûter, ça peut être prépondérant pour la suite. Ouais. Et d'ailleurs, on s'en rend compte lors des visites. Hein. Les bonbons qui sont fabriqués lors des visites sont extrêmement vendus à la sortie de visite, puisqu'ils le goûtent. Donc forcément, le bonbon le plus vendu, c'est celui qui suit la visite. Ouais. C'est quoi des gommes ? Alors des gommes, c'est une autre fabrication qui prend énormément de temps. Et les gommes, ce sont des bonbons qui ne sont plus durs sous la bouche, hein, qui ont une texture beaucoup plus molle et qui sont dans les mêmes registres. Ça reste des bonbons qui sont généralement dans les bonbons forts, c'est-à-dire eucalyptus, sapin, toujours pour la même chose, pour adoucir la gorge. Donc ça, c'est oui, eucalyptus, sapin, réglisse. Donc c'est essentiellement ces bonbons-là, et puis les carrés pectorales. Carrés pectorales qui étaient commandés par notre plus gros ambassadeur sur nos ventes. Enfin, c'était Jean-Paul Belmondo qui nous prenait les bonbons, chez qui on envoyait régulièrement 4 kilos de carrés pecto, un carré pectoral. Donc voilà, ça a duré pendant 4-5 ans, où il nous commandait 2 à 3 fois par an ces bonbons-là, ouais. Est-ce que ça a à peu près la même texture que les bonbons en pâte de fruits qu'on mange des fois à Noël dans des petites papillotes ? Alors, c'est un petit peu plus dur. Ça, nous, on le fait en gelée de fruits, ce genre de bonbons-là. Donc, ça ne reste pas de la pâte de fruits, c'est de la gelée de fruits. C'est fait avec de la pectine. Donc, ça, c'est exactement la même texture. Par contre, les gommes sont un petit peu... C'est entre le sucre cuit et puis la pâte de fruits. Donc, ça reste un petit peu plus dur, mais ça reste une gomme. J'ai vu via votre site que vous ne fabriquez pas que des bonbons, vous fabriquez notamment du nougat. Alors je voulais vous poser une question, comment est-ce qu'on choisit son nougat ? Parce que je sais que des fois c'est dur, c'est mou, c'est quoi le mieux ? Ah bah nous on fait que du tendre. Donc, mais si vous voulez du nougat dur, il suffit de le laisser. Hein. Le nougat dur, en fait, c'est un nougat qui vieillit et qui durcit. Donc si vous voulez du nougat dur, il n'y a pas de problème, vous prenez du nougat tendre et puis vous le laissez un moment et puis il sera dur. Non, nous, au départ, on ne fait que du tendre. Donc là, on a également développé la gamme, hein, puisque outre le nougat qu'on connaît, le nougat classique, on fait également nougat caramel. Et puis le nougat d'hiver, avec notamment dedans, il y a de la papaye, il y a des cranberries, des noisettes, enfin voilà quoi, des bonnes choses à se mettre sous la dent. Ouais. Vous fabriquez également du pain d'épices, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on fabrique du pain d'épices. À l'heure actuelle, c'est un peu en stand-by par manque de temps. On a un confiseur qui s'appelle Daniel qui a eu la chance d'avoir Monsieur Kiefer comme prof, comme maître. Et puis, il a lui appris les recettes. Mais là, par manque de temps, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça, c'est en stand-by. Ça reviendra, on est sûr de pouvoir en refaire un jour ou l'autre, mais ça prend également énormément de temps. Et là, pour l'heure, c'est vrai que le pain d'épices fabrication maison est en stand-by. Par contre, on a d'autres fabrications, hein, comme les chouchous, les confitures. Hein. Donc ça demeure, hein, ça reste nos fabrications. Les gommes, vous en avez parlé, les bonbons, sucre cuit, et puis les amandes également. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses d'autres à découvrir. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos confitures ? Alors, les confitures, oui, les plus vendues, ça reste la myrtille et la mirabelle. Ça reste des confitures pour lesquelles les clients viennent de loin, on peut le dire. Et puis sinon, on a également donc, tout ce qui est local, que ça soit ce qu'on appelait vulgairement le gras de cul, le nom... latin, je ne l'ai pas, donc je vais vous dire le gras de cul, la groseille, les abricots, enfin la framboise. On a également la mûre. Enfin, on a beaucoup, beaucoup également de fruits à disposition en confiture. Alors, les confitures sont faites essentiellement par Laurent, qui est également un des fils à M. Kiefer, qui est toujours dans la société et puis qui produit toujours. Donc Laurent continue à nous faire des confitures qui sont très demandées. Ouais. Et depuis quand est-ce que vous proposez ça à la vente, du coup ? Les confitures ? Mm-hmm. Ah, c'est depuis le début, hein, pratiquement. Hein, je dirais 10 à 15 ans après la naissance de la... Oui, une dizaine d'années après la naissance de la... Ça n'a pas été tout de suite. Tout de suite, ça a été les bonbons. Mais juste après, oui, il a développé pas mal de produits, dont la confiture. Ouais. Et c'est quoi des flocons de neige ? Alors, les flocons de neige, les fameux flocons de neige, c'est tout simplement de la noisette qui est donc entourée d'un sucre. Hein. C'est un petit peu comme les chouchous, mais à part mettre du caramel autour, on met du sucre et puis ça forme une forme de couche et une forme de flocon autour de la noisette. Voilà, très très apprécié également. Alors ça, c'est pareil, on les a développés en plusieurs arômes maintenant. Il y a café, noix de coco, pomme, nature et puis sapin. Donc voilà, donc on a développé également ce flocon en plusieurs versions. Qui plaît également pas mal, donc à découvrir, donc en venant nous rendre visite. Alors la fabrication de flocons, on peut la voir de temps à autre si on a la chance de tomber au bon moment, puisque voilà, c'est aléatoire, hein, c'est suivant les ventes, et on peut arriver dans l'atelier où il y a une fabrication également de flocons. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Frankie Goes to Hollywood et Daniel Balavoine. On se retrouvera juste après sur le 107. Shoot it in the right direction. Make me

Alors, sportive qui a fait notamment des résultats, par exemple, il y a Delphine Claudel, qui a été la première fondeuse en ski de fond à remporter une manche de Coupe du Monde, il y a de cela 3 semaines. Donc, elle fait notamment partie de personnes que l'on aide. Il y a également Florent, Claude, qui court pour la Belgique en biathlon. Il y a Paula Bottet en biathlon. Il y a Julia Claire qui court en saut à ski féminin, qui sont tous en équipe internationale. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus qui sont au début, donc que l'on aide également, des jeunes. Donc Thibaut Fréchard, pour ne pas n'en citer qu'un, il y en a bien d'autres. Et puis des clubs également, le hockey d'Épinal qui nous est cher. Également, le patinage artistique qui vont partir à Boston faire une manche du championnat du monde. Donc c'est quand même important d'aider, et puis ils ont, je vous dis, les mêmes valeurs que nous. Pour nous c'est important de les garder fur et à mesure. Plus les années passent, plus on se connaît, plus on devient proche, et puis plus leurs résultats nous font plaisir. Alors quand il n'y en a pas, c'est pas un drame, hein. C'est comme dans toute société, il y a des hauts, il y a des bas. Donc les sportifs, ils ont des hauts, des bas. À partir du moment où ils font tout pour réussir et tout pour y arriver, il y a pas de raison qu'on les suive pas. Et je pense que au-delà de ça, faire rayonner les Vosges, c'est faire rayonner également le nombre de touristes qui va revenir derrière. Donc c'est gagnant-gagnant. Je pense que plus on parle des Hauts-de-Vosges, et plus les gens sont à même d'y venir. Et puis ce qui fait venir les clients, c'est tout simplement la beauté déjà du paysage. Quand on voit les images d'un Tour de France, quand il y a du soleil, c'est vrai que ça donne envie quand même, hein. Même celui qui ne connaît pas, quand ils ont pris les images du drone en montant le massif vosgien sous le soleil, comment pas succomber à de telles images quand on ne connaît pas du tout. Et puis, les sportifs, ils aident également à ce qu'on parle des Hauts-de-Vosges. Donc, je vous dis, c'est un tout, et puis c'est un tout qui nous est cher. Donc c'est important de continuer à leur épanouissement, et puis à leur rêve, puisque beaucoup rêvaient d'aller au JO, ils y sont parvenus. Beaucoup rêvent encore d'y aller, et pourquoi pas les aider à y parvenir. Nous allons revenir un peu sur la confiserie La Bressaude. Quelle est la période de l'année où vous vendez le plus de bonbons ? Février. Février, on y rentre. Là, les 15 principaux jours où il y a les zones importantes pour nous, c'est-à-dire le Grand Est, plus la Belgique, c'est les 15 jours les plus prépondérants et les plus importants de la confiserie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du... Là, c'est du boulot. Là, c'est chaud, comme on dit. Et c'est vraiment important. Et on multiplie les visites, d'ailleurs. On les réduit un petit peu parce qu'il y a tellement de monde et on ne veut pas créer des frustrés ou des gens qui ne seraient pas satisfaits. Donc, on s'efforce de raccourcir le moins possible et le plus possible, parce qu'on veut quand même que ça reste de qualité et que les gens y trouvent leur compte. Donc au lieu de faire 40 minutes, elle fait environ 35 minutes, 30 minutes des fois, 35 minutes, pour pouvoir en faire plus et davantage et pouvoir contenter tout le monde. Donc là, on a également refait un petit peu, pour tous ceux qui ne sont pas encore venus depuis les travaux, on a fait des travaux en décembre qui permettent une meilleure fluidité au niveau des visites, c'est-à-dire que la visite et la caisse sont maintenant dissociées complètement, c'est-à-dire que vous pouvez partir en visite sans croiser tous ceux qui vont à la caisse, c'était le cas avant. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un tel niveau de gens, parfois et par journée, qu'il nous était important de pouvoir différencier la visite et puis les gens qui vont au magasin. C'est chose faite, maintenant les caisses se font par le fond, et c'est vrai qu'au niveau fluidité, on a énormément gagné. Et les gens s'y retrouvent, puisque c'est moins compressé, moins serré, c'est beaucoup plus agréable pour les uns et pour les autres, y compris pour nous. Il y a moins de stress, et on espère. On a déjà testé en décembre là, sur 2-3 journées qui étaient chaudes. Ça marche bien, ça fonctionne bien. On espère qu'il en sera de même pour février, qui est nous la plus grosse période. Derrière, c'est le mois d'août. Et puis après, je dirais qu'on est surpris déjà cette semaine d'avoir autant de monde. On a réellement de période creuse, pour vous dire. Le principal mois creux, c'est juin maintenant. Donc, et encore. Oui, parce que juin, c'est les vacances d'été. Donc je pensais que justement, vous auriez peut-être plus de visiteurs. Non, juin, ça reste un mois. Je vous dis, maintenant, il n'y a plus de mois réellement calme. Mais juin est le plus calme des mois à l'heure actuelle. Oui, c'est juin et novembre. Quoique novembre, cette année, a vu son... son lot de personnes venant visiter la confiserie. Tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour les Hauts-de-Vosges. Et c'est avant tout, c'est pas que grâce à nous, hein, c'est grâce à l'attraction qu'évoquent maintenant les Hauts-de-Vosges. Ça a été très très bien vendu par le département. Ça a été bien relayé également. Et donc maintenant, les gens connaissent de mieux en mieux les Hauts-de-Vosges. Connaissent non plus pour l'affaire Grégory, mais pour le paysage et pour tout ce qui est agréable. Donc c'est plutôt positif. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, et pourvu que ça dure, et je vois pas pourquoi ça durerait pas, parce que tous ceux qui y viennent sont contents d'y venir et y reviennent, et font de la pub, et le bouche-oreille fonctionne bien sur les Hauts-de-Vosges, pour revenir voir et découvrir le département, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Alors après, il faut, c'est vrai, sur certaines zones, faire attention à ce que ça soit pas trop, mais pour l'instant, je pense qu'on a une bonne maîtrise de la chose, et qu'il en soit de même pour le reste, et puis il n'y a pas de raison, et je crois en la qualité de nos Hauts-de-Vosges pour attirer du monde et pour que les gens s'y sentent bien, et de façon raisonnée. Alors j'ai vu via votre site internet qu'on peut acheter des bonbons en ligne. Depuis quand vous proposez ça? Ouais, ça fait un petit moment maintenant, moi ça fait depuis que je suis dans l'entreprise que ça existait, donc ça va être amélioré parce que comme tout à chacun, ça demande toujours, tout ce qui est en informatique demande une amélioration permanente. Alors là aussi, il faut du temps. Hein. Si on veut rester artisanal, eh ben on a du temps pour faire les bonbons, il faut du temps pour les mettre en sachet, il faut du temps partout. Donc il faudrait qu'on dégage un peu de temps ou qu'on en fasse dégager à certaines personnes pour pouvoir le faire. Pour l'instant, c'est possible. Ça reste de manière un petit peu artisanale, mais bon, ça a le mérite d'exister et de pouvoir se faire. Donc il faut aller sur le site de la confiserie, créer son compte, valider son compte, faire sa commande, la régler, et vous recevez ça dans les 24-48 heures. Donc voilà, donc oui, ça existe, on peut commander, et d'ailleurs beaucoup de gens le font, ceux qui ont visité la confiserie, qui veulent acheter des bonbons qu'ils ont pris en magasin et qui habitent loin, que ce soit en Bretagne ou dans le sud, ou eh bien passent par ce biais-là après pour commander. Ouais. Est-ce que vous proposez les mêmes formats qu'en boutique, à savoir les boîtes, les sachets, etc.? Alors il y a les mêmes formats, il y a une chose que l'on ne fait plus, c'est que malgré toutes les protections et tout ce qu'on a pu prendre comme précaution pour envoyer du verre, ben, quelquefois ça n'arrive pas à destination dans l'état que c'est parti. Donc malheureusement, on a un petit peu banni tout ce qui était verrerie pour des envois en vente par correspondance. Bon, en insistant un peu, on le fait, mais on explique bien que c'est sous couvert, que ça arrive en état et que, ma foi, nous, on se dédouane du transport parce que, ben, évidemment, c'est comme dans tout et partout, il y a du sérieux et du moins sérieux. Donc quand on tombe sur quelqu'un de sérieux, ça arrive en état, malgré la protection. Quand on tombe sur quelqu'un de moins sérieux, ben, ça arrive un petit peu dans un drôle d'état. Donc on essaye, si possible, de ne plus envoyer de tout ce qui est verrerie, quoi, en fait. À tout dépend si le transporteur il essaye de bourrer ça dans la boîte aux lettres ou pas. Ah, si au départ il joue déjà au rugby pour le mettre dans le camion, c'est sûr que ça, c'est déjà plus délicat, quoi. Mais voilà, maintenant on a quelqu'un qui est plus sérieux que les autres apparemment, puisqu'on n'a pas eu de soucis, donc on va peut-être aller dans ce sens et au prochain développement pouvoir offrir le fait de pouvoir commander donc tout ce qui est confiture ainsi de suite aux clients, quoi. Est-ce qu'il y a des frais de port quand on commande sur Internet? Alors il y a des frais de port, et ils sont gratuits à un certain niveau de commande, mais les frais de port, c'est un minimum de commande de 30 euros et les frais de port sont de 7 euros à l'heure actuelle. Ils sont divisés par deux puisqu'on en prend la moitié et on demande à ce que le client paye la moitié des frais. C'est quoi l'actualité de la Bressaude? Alors l'actualité de la Bressaude, c'est toujours d'innover. On est également on en a parlé, hein, c'est de la vente par correspondance, le développement de cette vente par correspondance qui est très importante, le développement également donc du magasin, refaire un petit peu l'environnement du magasin. On a également donc plusieurs animations pour l'été qui se mettent en place. On a également donc les films publicitaires qui se mettent en place également, qui vont être transmis dans les cinémas d'Épinal, Remiremont et Gérardmer. Donc ces films sont en cours de préparation, donc avec de belles surprises, je pense, pour les gens qui pourront les visualiser. Et puis beaucoup d'actualités brûlantes, ouais, notamment sur la création de nouveaux boîtages, de nouvelles boîtes plus qualitative, avec de nouvelles gammes, mais ça je peux pas trop vous en parler à l'heure actuelle, mais c'est en cours de préparation. Est-ce qu'on peut retrouver la Bressaude sur internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, on est sur le site, hein, la confiserie Bressaude, donc, où là on nous retrouve et on retrouve l'actualité de la confiserie avec les possibilités de visite et ainsi de suite. Donc là, oui, sur le site de la confiserie, www.la-confiserie-bressaude.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à la Bressaude ? Ce qu'on peut souhaiter, c'est un avenir plus sûr. Je parle au niveau international parce qu'on sent les gens stressés, on sent les gens angoissés et on le serait à moins, hein, puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Donc c'est sûr qu'entre ce qui se passe au niveau national, voire ce qui se passe au niveau international, c'est toujours un petit peu tendu. On n'a pas de visibilité à long terme, hein, à l'heure actuelle. On est plutôt sur la défensive, c'est bien dommage. C'est bien dommage d'en arriver là, ça prouve que l'histoire n'a pas tout résolu et puis que la mémoire ne marche pas pour tout le monde. C'est bien malheureux et d'en arriver là encore en 2023. Mais malheureusement, on en est là et malheureusement, on n'est que des petits numéros. Et ces petits numéros regardent les choses de loin et puis ils se disent comment ça va tourner, qu'est-ce qui va se passer. Et puis il faut tout de même avancer, tout de même essayer d'avancer et de continuer. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est un apaisement au niveau international. Ça, il faut le souhaiter pour tout le monde, je pense. Et puis, également, un apaisement national, qu'on soit serein, qu'on puisse avancer, toutes les sociétés puissent avancer sereinement et puissent créer des emplois et puissent, faire évoluer le pays dans le bon sens. Et puis, ce qu'on peut souhaiter, c'est la santé à tout le monde aussi, puisqu'on a vu que ça peut se dégrader très vite et que malheureusement, tout le monde est... peu du jour au lendemain être moins en forme. Je pense qu'en tout cas, dans la santé, c'est primordial. C'est ce que je souhaite à tout le monde et c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde également dans notre société, qu'on puisse continuer à avancer, créer du bonheur, créer du plaisir, parce qu'à l'heure actuelle, les gens en ont bien besoin. Mais je préférerais qu'ils en aient bien besoin malgré tout ce qui se passe. Voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est du positif à tous. Une année 2023 plus sereine que 2022 et qui sera... moins sereine que 2024, comme ça voudra dire que 2024 sera dans un registre beaucoup plus apaisé. C'est mon souhait. Alors merci pour ces ondes positives envoyées à nos auditeurs et même ceux qui ne nous écoutent pas. Oui, non, on le souhaite à tous. Alors cette émission est maintenant terminée. Denis, merci d'avoir été avec nous. Ben, je vous en prie, ce fut un plaisir. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir une troisième fois, c'est ça ? Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et puis, on invite tout le monde à venir faire la visite. Je vous rappelle qu'elle est gratuite, qu'elle dure 40 minutes et qu'on s'instruit. Et c'est dans un esprit ludique et bon enfant. Et je pense que ça fait plaisir aux petits, et les plus petits et les plus grands. Du petit au plus grand, je voulais dire. Et puis, c'est vrai que quand on fait un sondage, on se rend compte que c'est souvent cordonnier mal chaussé. C'est beaucoup de gens du coin qui n'ont jamais été à la confiserie, c'est pas votre cas, je vous en remercie, mais c'est vrai que on a énormément, quand on fait un petit sondage, on a énormément de gens des Hauts-de-Vosges qui ne sont jamais passés chez nous, donc ça coûte rien que l'essence à l'heure actuelle ça coûte, c'est vrai, mais si vous êtes en déplacement, eh bien, arrêtez-vous, faites la visite et puis vous pouvez repartir sans achat, c'est aucun souci pour nous. Mais au moins, vous aurez vu un artisan montrer et développer son savoir et son vouloir. Et c'est vrai que ça vaut le coup, donc vous pouvez passer. Bonne journée à vous. Alors pour l'avoir vécu, 40 minutes, ça peut paraître long, mais on ne voit pas du tout le temps passer. Non, c'est un petit peu, je vous dis, à 99,99%, c'est le retour que l'on peut avoir. Les gens sont satisfaits. Découvre et apprend, donc découvrir, apprendre, et de façon ludique et agréable, je pense que c'est sympa, puis c'est gratuit. Ça c'est super ça, est-ce que c'est pas partout pareil ? Non. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. C'était Laura, bye tout le monde !